rêve que je fais chaque nuit. Rêve où tu es, où je suis. Nous explorons des îles désertes à la barre d'une vieille goélette. Il fait souvent très froid le soir, là où nous jetons les amarres. Mais ça ne fait rien si j'ai mon cœur contre le tien. Mais lorsqu'il pleut sur la ville, ou que les jours sont trop courts, je sais, je dormirai tranquille. Je n'ai qu'à suivre la croix du sud pour voyager en tout quiétude et te rejoindre mon amour. Nous nous retrouvons sur le pont au cœur de la nuit australe, émerveillés à l'unisson d'être si bien sous les étoiles. C'est une vie aux antipodes qui garde l'âme vagabonde, où chaque nouvel épisode est un hommage au vaste monde. Et lorsqu'il pleut sur la ville, ou que les jours sont trop courts, je sais, je dormirai tranquille. Je n'ai qu'à suivre la croix du sud pour voyager en tout quiétude et te rejoindre mon amour. Le son s'arrête au coin de ma rue. Je ne dors pas, j'ai soudain froid, je me sens nu. Tu m'appelles pourtant depuis l'autre hémisphère. Il me faut hisser les voiles, voguer vers d'autres terres. Et lorsqu'il pleut sur la ville, ou que les jours sont